salut. Pablo, reviens en force. Écoutez ça. Dans la vie, il y a des choses pour lesquelles nous vivons. L'argent et la femme, c'est pour cela on s'est tu. Aïma Pangi, Ikanga ina luka mbongo, mbongo na malembe. Ikanga ina bona mwasi, oyo akokina ngai. Des choses pour lesquelles nous vivons, l'argent et la femme, c'est pour cela on s'est tu. Aïma Pangi, Ikanga ina luka mbongo, mbongo na malembe. Ikanga ina bona mwasi, oyo akokina ngai. J'ai t'invité à manger, j'ai t'invité au cinéma, mais tu es jaloux de moi. Pourquoi tout ceci, Moninga, moi pas comprendre. Maman, Olinginga ina kufaye. Moi pas pardonner toi oh. Mon ami, pardonner toi confiance. Je t'invite à danser, je t'invite à manger, je t'invite au cinéma, mais tu es jaloux de moi. Pourquoi tout ceci, Moninga, moi pas comprendre oh. Maman, Olinginga ina kufae. Plus de confiance en wana mokili. Lelo na pesi makolo raison. Tu m'as gâté mon boulot. Mon seul espoir c'est ma femme. Si tu m'aurais gagné ma femme. Moi m'a pardonné toi. Voilà mon ami. Et pourtant c'est vrai, je te jure. Tu m'as gâté mon boulot, mon seul espoir c'est ma femme. Si tu m'aurais gagné ma femme, moi pas pardonner toi. Voilà mon ami, et pourtant c'est vrai, je te jure. Thank you. Pablo, Vatican et Nicolas.